c'est un bordel. Kiss me. Oh my gosh. What do I do? Get out of bed, my lady said. Get up, boy, it's half past nine. And don't give me no lip. You're on an ego trip. I can't believe you're really mine. I'm under pressure. Never's due. It's making me feel blue. Here's a quid, get off my back. It's pouring down with rain, driving me insane. 'Cause I can't find my plastic bag. I'm under pressure. Under pressure. I'm under pressure all the time. I'm under pressure. Under pressure. I'm under pressure all the time. Still under pressure. Ooh, under pressure. Get under pressure. Émission d'Olive. Deuxième partie du Stone Rock Show avec She Cracked, chanson des Modern Lovers, un groupe de rock américain formé en 1970 à Boston. Il a été écrit par le leader et chanteur du groupe, Jonathan Richman, et est sorti en 1976 sur l'album éponyme The Modern Lovers. La chanson est un classique de la musique punk rock et est considérée comme l'une des plus marquantes de l'album. Elle est caractérisée par sa guitare électrique rugueuse, sa batterie lourde et les paroles décrivant une histoire d'amour malheureuse avec un refrain répétitif et accrocheur. Je te passerai ensuite le Wire de la semaine, Marooned, extrait de l'album Share Missings, sorti en 1978 chez Harvest. On enchaînera avec Fan Club, chanson des Damned, un groupe de punk rock britannique formé en 1976. Il est sorti en 1977 sur l'album Damned, Damned, Damned. La chanson est écrite par le guitariste du groupe Brian James et est caractérisée par sa guitare électrique lourde et sa batterie rapide. Les paroles de la chanson sont ironiques et décrivent les membres d'un fan club qui idolâtrent leur groupe préféré, mais qui ne comprennent pas vraiment la musique ou les convictions du groupe. Et on terminera cette série avec The Stone and Beginners for Brothers Us, chanson du groupe de rock américain Sparks, sortie en 1974. Elle a été écrite par Ron Mael et Russell Mael, les deux membres fondateurs et principaux du groupe. La chanson est devenue un succès commercial pour le groupe, atteignant la deuxième place des charts en Grande-Bretagne et a été classée comme l'une des meilleures chansons de l'année par plusieurs publications musicales. Elle est caractérisée par son rythme électronique, sa mélodie accrocheuse et les paroles ironiques qui décrivent un conflit entre deux personnes qui habitent la même ville et qui se disputent l'attention de la population locale.

le Stone Rock Show. C'est la fête. C'est la fête. Something that bites. Should be hanging around here for much too long. All you crazy people waiting for my song. I said, oh well, here I am. I'm just another one night stand. Anyway, I don't know why I'm sad. From my fan club. Rain must be a drag. That's what you wanna do, and I won't say no. What's you want me? See me after the show. I said, oh well, here I am. I'm just another one night stand. Anyway, I don't know why I'm sad. From my fan club. Send me pretty flowers while I'm slashing my wrists. Read those little letters through my smashed out mist. The dream I show you is my nightmare. I'm a freak, it's on his face, I stand and stare. I said, oh well, here I am. I'm just another one night stand. Anyway, I don't know why I'm sad. From the fan club. Oh putain, merde! Mr. Olympic, enough for both of us. Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie de l'émission avec The Motors, groupe de rock britannique, et le titre Dreaming Your Life Away, extrait de l'album Approved by The Motors, sorti en mai 1978 chez Virgin Records. On enchaînera avec l'écossais Rab Noakes, ex-membre du groupe Steeler Wheels avec Jerry Rafferty, et le titre Waiting Here For You, sorti en single début 1978 chez Ringo Records. Je te passerai ensuite Dr. Dupuis, titre de Wilco Johnson joué avec le groupe Solid Senders. C'est la face B du single Walking on the Edge, sorti en 1978 chez Virgin. Et on terminera cette série avec The Troggs et le titre I Want You, qui est la face B du single With a Girl Like You, sorti en 1966 chez Fontana. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais ce titre est un autoplagiat de World Sing, sorti quelques mois auparavant. Peace and love and all that phony stuff you just don't know. J'ai glissé, chef. Spread. slip. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show. J'ai chamboulé un peu l'émission car je voulais absolument rendre un hommage à Jeff Beck, qui nous a quittés le 10 janvier 2023 à l'âge de 78 ans. Jeff Beck est un guitariste de rock britannique connu pour son style de jeu virtuose et éclectique. Il a commencé sa carrière professionnelle dans les années 60 en jouant dans divers groupes de rock, notamment les Yardbirds. Il a ensuite lancé une carrière solo prolifique, sortant de nombreux albums et collaborant avec de nombreux artistes renommés. Il est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps et a été inducté au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2009. Je vais te passer 4 titres. Train Kept a Rolling, des Yardbirds, sorti en 1965 sur l'album Having a Rev Up. Je t'avais déjà parlé de cet album dans une émission précédente, car il a la particularité d'avoir en face A des morceaux avec Jeff Beck fraîchement arrivé, et en face B des morceaux avec Eric Clapton qui vient juste de quitter le groupe pour rejoindre les Bluesbreakers de John Mayer. Je te passerai ensuite I Ain't Superstitious, chanson écrite par Willie Dixon et enregistrée par Jeff Beck en 1968 pour son album éponyme. La chanson est également connue pour avoir été enregistrée par Howlin' Wolf plus tôt. La version de Beck a été produite par Jimmy Page, qui a également joué de la guitare sur l'enregistrement, et elle est chantée par Rod Stewart. Cette chanson a été un succès critique pour Beck et est souvent considérée comme l'une de ses meilleures performances en tant qu'interprète. Elle est caractéristique pour son style blues rock et son jeu de guitare énergique et technique. On enchaînera avec Black Cat Moan, titre du super groupe fondé par Jeff Beck avec Tim Bogert à la basse et Carmine Pice à la batterie, deux ex-membres de Vanilla Fudge et Cactus, et qui est extrait de l'unique album du groupe sorti le 26 mars 1973 chez Epic Records. Et on terminera avec ce qui est pour moi le plus beau solo de guitare de Jeff Beck, Cause We've Ended as Lovers, chanson écrite par Stevie Wonder et enregistrée par Jeff Beck pour son cinquième album solo, Blow by Blow, en 1975. Cette chanson est considérée comme l'un des meilleurs morceaux de Beck et a été saluée par sa virtuosité instrumentale et sa composition élégante et émotionnelle. Le morceau est basé sur un thème de piano joué par Beck lui-même et accompagné par des cordes et des cuivres. Il montre une grande maîtrise de la guitare électrique de Beck, avec des passages de solo de guitare élégants et expressifs. Il a été très bien accueilli par la critique et est considéré comme l'un des sommets de l'album Blow by Blow. Rest in peace Jeff, et merci pour tout. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. All over my neighborhood, and that ain't all. words. But a black cat crawls my trail. I said so one time before. Ain't superstitious. A black cat crawls my trail. Bad luck ain't got me so far, and you know I ain't gonna let it stop me now. Come on. Sunshine coming over the hills. I swear. Ça fait beaucoup là, non? Thank you.

or later. You miss your life up. When you're a part of a clique, what's gonna happen to you? When your circle falls down all around, you feel so insecure. See what they're like, and you will find they were just like you. You're in a clique, you've no real friends, get no respect from anyone. Contradicting everything. Sooner or later, you mess your life up. You mess your life up. You'll mess your life up. You'll mess your life up. Simplement amis du rock, en tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.